Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Bienvenue à tous. Et aujourd'hui, eh bien, on grimpe dans la bulle car avec nous Julien de Evol Escalade. Julien, bonjour. Bonjour Lia. Comment ça va ? Bien, je te remercie. Alors, tu viens aujourd'hui nous parler eh bien, de ta micro-entreprise, comment on appelle ça, c'est ça ? Alors voilà, Evol Escalade, donc on va en parler tout au long de notre émission. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur la pratique sportive de l'escalade en France, hein, qui commence à être révélée au grand public eh bien, dans les années 1980, et arrête-moi si je fais des erreurs, avec des reportages consacrés à Patrick Edlinger. Ah bah pourquoi Alors l'escalade est alors une pratique très marginale à cette époque. Elle n'est pas vraiment réglementée, les grimpeurs sont peu nombreux et leur pratique est peu connue et peu médiatisée. Ils pratiquent en falaise avec des valeurs de liberté et d'individualisme. Au fil des décennies, l'escalade devient un sport reconnu, le nombre de pratiquants augmente et les pratiques se diversifient. Et c'est à partir des années 1980 que des structures artificielles d'escalade se multiplient, qu'elles soient associatives, publiques ou privés. Les pratiquants sont ainsi toujours plus nombreux à se consacrer principalement à de l'escalade en salle et à délaisser un petit peu l'escalade en falaise. La pratique devient aussi citadine et s'adapte aux exigences quotidien, à l'identique d'autres pratiques physiques en salle. À partir des années 2000, l'engouement pour l'escalade de bloc en extérieur et en salle attire de nouveaux pratiquants, notamment les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui l'escalade en France va bien ? De mieux en mieux, ouais. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, la médiatisation, elle y est pour beaucoup. Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé dans les années 90, effectivement, on n'en parlait pas. Hein, c'est pas comparable à du football ou à d'autres sports très médiatisés. L'escalade ne l'a été que très tardivement. Ça commence seulement vraiment en réalité. Parce que les techniques pour filmer sont là, les nacelles, etc. Ça permet d'être assez proche du grimpeur et de se rendre compte de la difficulté. Le bloc dont tu parlais, une autre discipline, encore mieux pour le coup, parce qu'on est très proche du grimpeur. Le bloc, c'est une escalade sans corde. D'accord. On monte à faible hauteur. L'idée, c'est d'avoir tout de suite des mouvements très difficiles. Sur une courte période en fait. D'accord. Et donc on est proche du grimpeur et très visuel pour le coup, oui. D'accord. Alors toi, tu es donc moniteur d'escalade diplômé et expérimenté, hein, je cite, en encadrement. Mmh. Et tu proposes d'initier, de faire découvrir l'escalade. Toi, tu fais ça à Épinal, à la carrière Colo, sur le site d'escalade Philippe Mangin, de façon privée et personnalisée. Ça, c'est très, très intéressant. Alors depuis quand tu t'es lancé ? Eh ben, c'est très récent. Cette idée, elle m'a pris en gros début de cette année. D'accord. Et j'ai mis ça en place cet été. Et officiellement, en fait, j'ai commencé le 25 juillet seulement. Ah oui, c'est tout neuf. Voilà. C'est tout neuf, vraiment. Est-ce que ça se passe bien pour l'instant ? Ça démarre doucement. Eh ben oui, ça c'est doucement. Normal. C'est le début, c'est logique. Je pense pour en faire beaucoup plus pour l'année prochaine. À moi de me faire connaître d'ici là, tout pour à le fait. Coup. Mais ça commence gentiment. Eh ouais. Ben c'est super. Alors moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours, Julien. Mmh. Comment un jour tu es tombé dans la marmite de l'escalade ? Très jeune. Ouais. Je devais avoir 8-10 ans. Ouais, 8 ou 10 ans, ouais. Les activités sportives proposées par la ville d'Épinal, en fait, à l'époque. D'accord. Je suis passé un petit peu par tous les sports et à partir du moment où j'ai découvert l'escalade, en fait, je ne me suis plus arrêté. D'accord. Tout simplement. Donc, initiation, j'ai progressé assez vite au départ. On m'a repéré, j'ai fait quelques compétitions et puis maintenant, voilà, je veux vraiment, en fait, partager et faire découvrir tout ce que moi j'ai appris au fil de ces années d'escalade. Oui. À ceux que ça intéresse. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport qu'est l'escalade, justement ? Eh bien, un petit peu ce dont tu as parlé tout à l'heure. En fait, au départ, on se retrouve seul sur sa falaise. On est plus ou moins livré à soi-même, malgré qu'il y a un assureur en dessous qui est là pour faire son boulot, évidemment. Mais ouais, cette sensation d'être seul face au rocher, la liberté finalement, à ce moment-là, où on est vraiment seul face à sa falaise, plus rien d'autre à penser. À part se concentrer sur ce que je suis en train de faire, sur la prise que je vais devoir prendre. Ouais, c'est ça qui me plaisait. Et à côté de ça, malgré tout, il y a quand même l'aspect où on est avec d'autres gens, d'autres grimpeurs. C'est vraiment le moment où on est seul. Et ensuite, bah voilà, il y a quand même ce petit groupe autour où on discute, où on parle de ce qu'on vient de faire, de comment j'aurais pu passer à tel endroit, le partage. C'est tous ces aspects-là qui m'ont plu, ouais. Super. Alors, pour revenir un petit peu à ton parcours compétition, ça s'est passé comment pour toi ? Donc, j'imagine que tu n'es pas forcément resté dans nos Vosges. Est-ce que tu as déjà escaladé d'autres sites ? Alors, sur d'autres falaises, ouais. Alors, je n'ai pas eu la chance d'aller trop me balader en France pour grimper. Mais dans le secteur des Vosges, oui, j'ai fait pas mal. J'ai pas mal écumé les falaises du coin à l'époque. Et en compétition, comment ça a démarré ? Parce qu'on progresse, parce qu'on est dans un groupe, et puis il y a ces propositions, et puis on essaye, et puis voilà. Mais moi, j'ai jamais eu trop cet aspect compétiteur, en fait. Je suivais plus le groupe. Ça m'amusait qu'on soit tous ensemble, qu'on parte à tel endroit et qu'on se lance un petit défi. Je le voyais plus comme ça, en fait. C'est pas vraiment la compétition en elle-même qui m'intéressait, c'était plus le défi entre amis, entre grimpeurs. Et voilà, ouais. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles un petit peu du côté individuel de l'escalade mais aussi collectif. Ça regroupe vraiment ces deux notions, l'escalade, parce qu'on a l'impression un petit peu, comme tu le disais, quand on est escalade, on est un petit peu seul au monde, mais au final on fait quand même partie d'un groupe, donc ça regroupe ces deux notions et ça c'est plutôt sympa. Au moins un binôme. Parce que l'escalade, mis à part le bloc, l'escalade, ça se fait pas tout seul. Ça, c'est sûr. Y a des techniques pour grimper seul, mais bon, voilà, c'est pas très conseillé. C'est un petit peu compliqué. Y a toujours au moins un binôme. Le grimpeur et donc l'assureur qui pour schématiser, est là pour sécuriser le grimpeur en cas de chute, quoi. Il tient la vie de son grimpeur, tout simplement. Donc, il y a cette histoire de confiance qui est super importante. Oui. C'est évidemment un des premiers aspects que j'essaie de faire passer, moi, dans les séances, parce qu'il y a évidemment l'aspect sécurité, ça, il n'y a pas le choix. Oui. Le mental, du coup, donc dans mental, j'entends justement cette histoire de confiance entre grimpeur et assureur. Et donc il y a vraiment cet aspect solo, je grimpe et je suis concentré uniquement sur ce que je fais, mais malgré tout, voilà, ça reste un sport où on peut difficilement être seul. C'est sûr. Alors, c'est facile de donner sa confiance un petit peu à celui qui t'assure. Non, c'est pas toujours simple. C'est un des plus gros problèmes qu'on rencontre au début quand on commence l'escalade. Parce qu'il y a déjà évidemment la hauteur qui fait que on va pas forcément être à l'aise. La confiance en matériel, la confiance en la personne qui va nous assurer. Donc tout s'accumuler, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais voilà, la plupart du temps, j'arrive en parlant tout simplement et avec mon expérience, les gens se rendent compte assez vite que... Quand les choses sont bien faites, ça, il n'y a pas de souci en fait. Ils sont rassurés. Ça, c'est plutôt beaucoup mieux. Complètement, oui. Alors, comment ça t'est venu cette idée de créer Evol Escalade ? Donc, il y a peu, tu nous disais juillet, on est en août. Donc, ça fait vraiment, c'est tout neuf. Qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de créer ça ? J'encadre depuis des années, que ce soit pour la municipalité ou pour le club, et j'avais vraiment envie de faire les choses vraiment à ma manière, tout simplement, pour pouvoir apporter mon expérience, mon vécu, ma façon de faire, transmettre les choses que moi j'ai apprises tout au long de ces années, mon identité, en fait. D'accord. Tu veux transmettre tes valeurs, Et puis surtout, le grand plaisir que tu as à grimper, en tout cas que tu as eu. Est-ce que tu grimpes toujours, d'ailleurs ? Très peu, malheureusement. Ouais. J'essaie de m'y remettre, mais ça me prend pas mal de temps, du coup, d'avoir monté, on peut pas tout faire. J'essaye, mais C'est dans les objectifs. Hein. Voilà, on se laisse le temps de faire les choses une par une et puis de profiter de chaque chose que l'on fait. Et c'est ça qui est bon, en fait. Donc, le grand but pour toi, eh bien, c'est de faire partager ta passion. Est-ce qu'il y en a un autre ? Qu'est-ce qui te tenait à cœur, en fait, pour accueillir un public et faire de l'escalade avec ces gens ? Bah, j'ai toujours aimé ce contact, en fait, faire découvrir quelque chose de nouveau à des gens qui ne connaissent pas l'activité, donc faire au moins découvrir, c'est pour ça que je parle des deux aspects initiation et découverte. D'accord. Parce qu'initiation, tout de suite, bah, il va falloir y aller, quoi. Mais je veux vraiment montrer aux gens ce que c'est, parce que les informations ne sont pas toujours très claires à ce niveau-là. Vraiment, faire découvrir, initier, c'est ce qui me motive, en fait, ouais. Eh ben oui, c'est plutôt pas mal. C'est mieux, hein. Alors donc, tu proposes de l'initiation et de la découverte. Donc ça, c'est deux choses différentes. La découverte, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien du tout. Ouais. Donc on peut venir te voir même si on n'a jamais grimpé. Complètement. D'accord. Complètement. Alors comment ça se passe quand tu reçois des personnes qui n'ont encore jamais grimpé ? Alors pour ceux qui n'ont jamais grimpé, je l'ai survolé vite fait tout à l'heure. Il y a évidemment la partie sécurité déjà. Oui. Donc je vais passer par exemple sur le nœud 8, évidemment. D'accord. C'est le nœud d'encordement. Ok. Comment on doit assurer ? Ça, c'est vraiment le passage obligatoire. Tout ce qui est sécurité, on ne peut pas grimper. Parce que vraiment, moi, je propose de l'escalade avec corde. D'accord. Je ne veux pas faire du bloc dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment la grimpe avec corde. Donc, il y a obligatoirement l'aspect sécuritaire. Après, mentalement, faire comprendre aux gens qui sont en sécurité. À partir du moment où les choses sont bien faites, il y a une certaine rigueur à avoir. Oui. Et puis, l'objectif, ça va être ensuite, évidemment, de grimper. Alors, par étapes, à faible hauteur dans un premier temps, se rendre compte comment ça se passe pour la descente. Parce que grimper, c'est bien beau, mais si je suis bloqué à 25 mètres et que je fais un blocage et que je ne suis pas dans la capacité de redescendre, parce que j'ai trop peur ou autre, voilà, on y va par étapes. D'accord. Je ne vais pas envoyer quelqu'un qui débute. Donc c'est par palier, en fait. Oui. D'accord. Oui, oui. Pour être sûr qu'on puisse redescendre. Qu'on ne fasse pas un blocage à 15 mètres du sol et non, je ne veux pas descendre, je suis bien là-haut, j'y reste. Pas moyen. Donc, non, on y va gentiment parce qu'évidemment, monter, encore une fois, c'est bien gentil, mais il y a la descente par la suite qui est la plupart du temps juste plus impressionnante. Et oui, oui, ça c'est sûr. Parce que la descente, je vais me retrouver pendu au bout de la corde. Là, je suis obligé de faire vraiment confiance à mon assureur, en ce qu'il est en train de faire. Je ne suis plus maître de rien à ce moment-là, finalement. C'est sûr. Voilà. Donc, comment ça se passe si jamais tu reçois quelqu'un qui a envie de faire de l'escalade, de grimper et qui a légèrement peur du vide ? Est-ce que tu peux quand même recevoir ces personnes-là, peut-être une petite thérapie pour aller mieux ? Justement, en faisant par étapes, en parlant, en trouvant les mots justes. Et puis le fait d'être en petit groupe, comme je le propose, entre gens qui se connaissent, c'est parfois plus facile que de se retrouver avec des inconnus. Et oui. Moi, dans la formule que je propose, l'idée de privé, par privé, j'entends le fait que vous venez entre amis, entre collègues, machin. Moi, je ne veux pas prendre deux couples, qui ne se connaissent pas, d'accord, et les mettre ensemble pour faire une séance escalade. Ouais. Voilà, je veux vraiment que ça reste dans l'idée privé. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, entre amis, entre collègues, en famille, voilà. Ça c'est chouette, un petit moment convivial. Voilà, et je pense que ça peut effectivement, comme on est dans une activité à risque, la hauteur, tout ça, et déjà d'être dans un cocon, on va dire, ça peut déjà aider. Oui, ça déstresse un petit peu, et puis c'est un bon moment, on peut faire, c'est vraiment une chouette idée, je veux dire, on peut venir pour toutes sortes même d'événements, j'imagine qu'on peut venir pour, par exemple, je ne sais pas, un enterrement de vie de jeune fille, on vient avec ses copines, et pour marquer le coup, on fait une petite grimpette avec toi. Complètement. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, avant d'en savoir plus, parce que forcément, on a plein de choses à dire sur Evol Escalade, cette micro-entreprise que tu viens de créer, Julien, donc sur Épinal, sur le fameux mur de la carrière Colo. On va se lancer dans une première bulle de son avec un groupe se nommant Green Day qui t'a rappelé beaucoup de souvenirs. Tu as eu envie de passer Basket Case. Ouais. Ça t'a rappelé quoi comme souvenir ? les trajets pour aller aux compétitions. Tout simplement, avec mon équipe de grimpeurs de l'époque, de compétiteurs. Voilà, on partait en compétition. Forcément, il y avait de la musique en voiture. Et Green Day fait partie, certains le reconnaîtront, de ces moments-là où on chantait à tue-tête dans la voiture. On connaissait les paroles de toutes les chansons de l'album absolument par cœur, ainsi que d'autres groupes. Et c'est pour moi... C'est pour moi la chanson qui me vient à l'esprit tout de suite en fait quand je parle d'escalade. On se met dans l'ambiance en fait. Hein, ouais. Avant, c'est le moment où on se déstresse un petit peu, où voilà, on partage un moment collectif avec. Penser à autre chose avant la compétition, parce qu'une fois arrivé sur le site de la compétition, là va y avoir le stress qui va commencer à arriver parce que en jeu, etc. Et c'était le moment où on envoie ce qu'on a, on pense à autre chose. Et ensuite, concentration. Voilà, on se décharge avant de se concentrer. C'est ça. Alors, on écoute ce son de Green Day et on se retrouve juste après avec Julien pour nous parler des vols escalades et tout ce qu'il y a à savoir sur tout ça. Merci encore beaucoup à toi d'être venu aujourd'hui dans la bulle. On se fait donc cette petite bulle de son et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? S'est mis dans l'ambiance. On est aujourd'hui là avec Julien Desvol Escalade. Vous êtes bien sur Radio Guémozo. Nous sommes dans la bulle et aujourd'hui, eh bien, ça grimpe. On se fait du bien parce que l'escalade, j'imagine que comme tous les sports, eh bien, c'est très bon pour la santé. Hein. J'imagine que ça sollicite plein de muscles différents. Et là, on est hyper balèze. C'est très complet en fait. Ouais, c'est très complet. Là, les personnes que j'ai fait grimper récemment qui n'avaient jamais fait d'escalade, ont senti des muscles qu'elles ne soupçonnaient pas. Ah bah ça j'imagine, ça j'imagine. Est-ce que du coup il faut vraiment une bonne condition physique pour pratiquer l'escalade ? Au départ pas du tout en fait. Ouais. Au départ pas du tout, on fait tous l'amalgame de se dire il faut avoir de la force. Mmh. Non, clairement pas en fait. C'est l'équilibre. Oui. C'est savoir se placer en fait. Je vais dire ce que je dis tout le temps à mes groupes et à tous mes grimpeurs. Pour parfois déplacer une fois sa main pour évoluer, pour grimper, je vais déplacer mes pieds une fois, deux fois, trois fois. D'accord. Pour avoir le meilleur placement. En fait, l'idée, l'escalade, il faut grimper à l'économie. D'accord. Parce que je commence à grimper dans ma voie, je fais 3 mètres, je tombe sur un passage difficile. Si je crame toute mon énergie sur ce passage-là, alors que j'ai encore 20 mètres à grimper par la suite, c'est foutu. C'est d'accord. Foutu. Donc il faut essayer, c'est ce que je dis, c'est grimper à l'économie. Et c'est tout est une histoire de placement en fait. Il faut penser que j'ai aussi des jambes, j'ai pas que des bras. Et oui. Donc il n'y a pas que la force. Pour moi en fait c'est 50-50, bras-jambes. D'accord. Il va falloir se placer, pousser sur ses jambes également, en tirant sur les bras en même temps pour évoluer. Si j'essaie de tout faire avec mes bras, je vais me cramer en 2 minutes et puis j'atteindrai jamais le sommet de ma voix. Eh oui, ça amène une certaine logique du coup. Mm-hmm. Hein, on réfléchit en même mm-hmm. temps que... Il y a énormément de choses à prendre en compte en fait en escalade, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, technique. Je parlais tout à l'heure des étapes pour comment je construis mes séances. Il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect mental, l'aspect technique. Et seulement après, pour moi, ce qui vient en dernier, c'est la force pour le coup. Eh oui. Et dans tout ça, évidemment, il y a l'aspect plaisir. Si on ne prend pas plaisir à ce qu'on est en train de faire... c'est pas la peine. Ça, c'est sûr. Alors donc, toi, tu proposes de l'initiation et puis aussi pour ceux qui s'y connaissent un petit peu déjà. Hein, alors, ça se passe sur des sessions de combien de temps ? Alors, 2 heures, parce que c'est vraiment le minimum. Ouais. Quand on débute avec tout ce que j'ai à apporter, voilà, c'est vraiment le temps minimum qu'il faut. Donc, je propose 2 heures ou 3 heures de séance. D'accord. Voilà. Avec un maximum donc, de 6 participants. Oui, d'accord. Pour rester dans le petit cocon dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je veux vraiment faire un créneau sympathique, petit comité. Je ne veux pas que ce soit l'usine, surtout. Oui, pas. C'est sûr. C'est sûr. Oui, puis c'est... dans ce genre d'activité, on ne peut pas. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire passer que non, non. C'est plutôt... c'est mieux. Donc, le groupe est constitué donc, avec la famille, les mmh. amis, les collègues, etc., etc. Et voilà, on vient pour un moment exclusif, privé avec c'est toi ça. Pour grimper, se faire plaisir. Et voilà, ça doit être plutôt pas mal. Et puis, c'est plutôt innovant parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui propose ça là dans le secteur. En tout cas, en session privée comme ça. Ça se fait quand même sur Gérard Mélabrèche, je pense. D'accord. Mais c'est vrai que sur Épinal et vraiment les alentours directs d'Épinal, à ma connaissance, non. D'accord. En effet. Donc en été, je vois que tu peux proposer des séances nocturnes. Oui. Alors ça, encore c'est sympa. Encore une fois, ouais, je reste sur l'idée de la carrière colo parce que pour moi, c'est un site qui, sur lequel je grimpe depuis toujours, où j'ai même appris à grimper d'ailleurs, qui pour moi se prête bien à l'initiation justement. Et petit avantage, effectivement, je peux proposer une mini nocturne, par exemple de 20h à 22h, parce qu'il y a la chance d'avoir de l'éclairage public et qui éclaire la falaise. Ouais. Donc voilà, ça peut être sympathique en effet. Ouais. C'est parce que tu connaissais très bien ce site de la carrière colo que tu as décidé de le faire là-bas ? Oui, alors je peux très bien aller ailleurs, sur demande, si on me demande d'aller sur d'autres falaises du coin. Ah bah ça c'est intéressant. Aussi. Mais voilà, quand c'est vraiment de la séance initiation, découverte, je préfère travailler à la carrière colo. C'est pour moi vraiment un site très adapté parce que Edune, je le connais juste par cœur. Ouais. Et je trouve qu'il s'y prête vraiment bien, en fait. Voilà, comment ça se passe au niveau des prises, là-bas ? Est-ce qu'il y a des petits trucs pour s'accrocher, comme on appelle Alors, ça, comme en salle ? Sur une falaise, on va trouver des prises... Oui. C'est naturel, en fait. Oui. Après, là, c'est une carrière, donc ça a été exploité il y a quelques dizaines d'années. D'accord. Donc, ce n'est pas un vrai site naturel, comme on l'entend. Il y a le secteur initiation, vraiment tout à gauche, où il y a quelques prises artificielles D'accord. qui ont été mises en place quand même pour faciliter la progression justement sur ce secteur-là. Oui. Mais sur trois voies seulement, que j'utilise pas forcément justement à cause des prises artificielles. Oui. Parce que on est quand même sur un site naturel et je veux montrer aux gens ce que c'est que l'escalade sur un site sportif naturel. Ça, c'est sûr. Quand on utilise les prises artificielles qu'on va trouver effectivement en salle, ouais. Pour le coup, c'est une grimpe pour moi qui est complètement différente. D'accord. En salle, on va trouver, on va tout de suite voir toutes les prises, elles sont colorées, c'est super ludique, ça donne envie de grimper, mais c'est une grimpe qui est différente de celle qu'on va trouver en falaise. Et les gens qui apprennent l'escalade en salle en ce moment, puisque avec l'histoire de la médiatisation dont on parlait tout à l'heure, c'est par là que la plupart des gens commencent l'escalade, oui. Maintenant. Et ils se retrouvent complètement perdus le jour où ils vont en falaise. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à savoir quand on va grimper en falaise, au niveau des techniques tout simplement, des placements dont je parlais tout à l'heure, parce qu'une prise elle peut se prendre de différentes façons possibles, les placements de pieds pareil. Voilà, on n'apprend pas la même chose en salle qu'en falaise. Donc pas d'inquiétude si vous n'avez jamais fait d'escalade en salle, vous pouvez très bien commencer directement sur falaise. Et c'est même mieux. Voilà, et c'est peut-être même conseillé d'ailleurs. Comment ça se passe par rapport aux conditions météo quand on escalade à l'extérieur ? Ah ben, faut vérifier la météo régulièrement. Ouais, bah ouais, je suis tributaire du temps, ouais, hein, forcément. Ouais, ouais. Encore une fois, petit avantage, je ne veux pas faire la promotion de la carrière polo, mais ça sèche relativement vite. D'accord. Bah là, j'ai eu un créneau hier matin, il n'y avait plus la veille toute la journée, la nuit elle a séché quoi. Oui, oui. Le rocher n'était pas du tout mouillé le lendemain matin, bon il faisait frais certes évidemment, un peu humide, mais le rocher était sec. Et si ça avait été un petit peu mouillé, tu aurais dû annuler ou alors c'est quand même possible de grimper ? J'aurais préféré annuler parce que c'est quand même tout de suite moins sympathique, mais ça reste faisable, si c'est légèrement humide ça le faire. Et puis ça dépend aussi du public peut-être, oui, si c'est voilà, des oui, personnes oui, aguerries. Avec certaines personnes, je pourrais me permettre de confirmer ce créneau avec des vraiment débutants. Si c'est pour dégoûter aussi dès c'est le départ, ça, non c'est quoi. Ouais, non. Autant que toutes les conditions soient réunies, quoi, les pour bonnes passer conditions. Passer un bon moment. Mmh. Alors, on le répète, donc vous venez en groupe pour escalader avec Julien. Est-ce qu'on peut venir avec des enfants ? Oui. Alors, à partir de quel âge peut-on pratiquer l'escalade ? Alors, dans l'idée, dès 4 ans, c'est faisable. Ouais. Ah oui, dès 4 ans ? Ouais. Oh la vache, ouais, ouais. D'accord. Dès 4 ans, je vais adapter. Ouais. Après, si c'est à la carrière colo, je préférerais à partir de 5-6 ans. Parce que 4 ans, là, c'est vraiment... c'est adapté à l'initiation, la carrière, mais là, ça va être compliqué. Ils ne vont pas réussir à faire grand-chose. Et dans l'idée, ça va peut-être un petit peu les dégoûter. Ils ne vont pas avoir envie de revenir. Donc, pour moi, là, plutôt 6 ans. D'accord. Mais dès 4 ans, en salle, par exemple, ouais. Là, pour le coup, faire découvrir, ouais, c'est complètement possible. Oui, complètement. Parce que du coup, à la carrière, bah, du coup, ça à la personne de pouvoir évoluer de façon un petit peu logique, mais seule, en tout cas. Enfin, même si je suppose qu'en bas, tu peux donner des conseils. Complètement. Va plutôt là, va plutôt là. C'est ça. Mais il faut quand même des bras un petit peu. Voilà, c'est ça. Toute la gestuelle, c'est pas adapté pour les tout petits. Voilà. D'accord. En salle, par contre, oui, à 4 ans, là, effectivement, on peut vraiment démarrer, faire quelque chose de ludique en tournant sur des jeux, la sensation d'être en hauteur, travailler sur plein de petites choses sans forcément grimper à 10 mètres du sol, parce qu'à 4 ans, voilà, peut-être Bien pas sûr. Tout de suite, quoi. Peut-être pas tout de suite. Mais toujours par étapes, comme je le disais ouais, tout ouais. à l'heure. Par ça, c'est important. Mais dès 4 ans, ouais, on peut faire découvrir ce que c'est que l'escalade. Ouais. Est-ce qu'un jour, tu te lanceras dans l'escalade en salle, par exemple, pour pallier un petit peu à la saison hivernale, entre autres ? Et bah, dans l'idée, oui. Parce que là, c'est vrai que comme on vient de le dire, je suis tributaire du temps. Ouais. Je ne peux fonctionner donc que sur la saison, on va dire, de... Allez, du mois de mai, dès qu'il va commencer à faire beau, jusqu'à septembre, voire octobre, si le temps le permet encore. Oui. Ouais, je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir également proposer mes cours d'escalade sur la période hivernale. Ouais. Et ben voilà, on le souhaite. Tu nous tiendras informé de tout bien ça. Bien sûr, avec plaisir. Alors, si tu le veux bien, eh bien, on va se lancer dans une deuxième bulle de son avec encore une playlist. De toute façon, toute cette playlist d'aujourd'hui, elle a été concoctée spécialement par toi, Julien. C'est normal, ouais. Hein, c'est ton émission. tu as eu envie de faire un honneur au groupe Sublime que l'on écoutera encore ensuite. Cette fois-ci, ce sera le titre What I Got. Pourquoi ce titre ? Encore une fois, c'est dans le move de l'escalade. Comme Green Day tout à l'heure, pareil en fait. Ouais, c'est, ouais, ça me rappelle toutes les années où j'ai énormément grimpé. Et c'est un groupe que j'ai écouté, pareil, énormément. Je me vois encore devant mon ordinateur à traduire toutes les paroles des chansons pour savoir ce qu'elles voulaient dire. Ouais. Est-ce qu'on peut s'ambiancer avec de la musique en grimpant ? Ou alors il faut vraiment rester ultra concentré ? En salle, ça se fait beaucoup, parce que, et en bloc notamment, parce qu'on est, encore une fois proche du sol, on redescend très régulièrement, on peut aller toucher son téléphone ou son enceinte pour aller changer de musique et machin. Ouais, ça met en condition, ça aide énormément. En compétition, je sais qu'il passe de la musique aussi pendant, et même la chanson préférée du grimpeur sur le moment, à la demande. Je sais que ça se fait, Ça peut aider parce que ça nous met en condition, dans le mouvement, on écoute ce qu'on aime et en plus on fait ce qu'on aime sur le moment. Après, en falaise, moi perso, non. Il y a moins d'intérêt, là on est à l'extérieur. Il n'y a pas d'intérêt, il y a l'extérieur, il y a les bruits ambiants, il y a la concentration, c'est tout autre. Mais sur des phases d'entraînement, en salle par exemple, carrément, ça se fait. Et ben voilà, donc on se met dans l'ambiance avec Sublime et What I Got et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo, dans la bulle aujourd'hui avec Julien qui est venu nous parler des vols escalade. Alors déjà, pourquoi tu as choisi ce nom ? Parce que je n'ai même pas posé la question. Alors, Evol, j'entends derrière évolution. Ouais. Donc évolution dans le sens progression, du coup, montée. D'accord. Et dans le sens apprentissage de toutes les consignes liées à l'escalade. Et ben voilà. très bon nom. En toute simplicité. Ouais. Pourquoi chercher loin quand on peut faire tranquillement. Alors, je cite, donc déjà, tu as une page Facebook, c'est quand même important de le rappeler. Là-dessus, on pourra retrouver eh bien, toutes sortes d'informations, eh bien, notamment ton numéro de téléphone eh bien, pour demander plus de renseignements, pour faire un devis sur les tarifs, parce que je suppose que ça, bah, c'est un petit peu à la demande, ça dépend à combien de personnes on vient. Voilà. J'ai deux tarifs en fonction des deux horaires que je propose, voilà. 2 heures ou 3 heures de séance, donc 2 tarifs et voilà. Ok. Je cherche pas plus loin. D'accord, ok. Encore une fois, on fait dans la simplicité, oui, bah, pas besoin de se prendre la tête. Encore une fois, il y a tellement de choses liées à l'escalade à connaître, à savoir, à apprendre, que si en plus derrière, il y a toute une montagne de petites choses, non. Voilà. Alors je ne l'ai pas dit, mais tu es quand même encadrant dans un parcours acrobatique en hauteur. Est-ce que tu es diplômé également sur ce sport d'escalade, où tu t'appuies vraiment sur ton expérience de grimpeur, comme tu nous l'as dit au début, et de ton métier actuel? Alors, mais est-ce qu'il y a des diplômes à passer? Je suis expérimenté, effectivement, ouais. Pardon. Mais je suis diplômé d'État en escalade, effectivement. D'accord. Ouais. Donc ça existe d'être diplômé d'État en escalade. Bien sûr, okay, ouais. Donc il y a plusieurs degrés en fait de diplôme. Donc moi j'ai ce qu'il faut. D'accord, bah, ça on s'en doute. Mais si jamais voilà, il y a des personnes qui nous entendent, qui ont peut-être envie de se lancer dans cette discipline, voilà, c'est possible de se diplômer spécialement dans ce sport comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors on précise quand même que donc on parlait un petit peu de tarifs, mais donc toi tu mets à disposition le matériel. Mm-hmm. Hein, c'est toi qui ramènes le matériel, ouais. Les gens ils ont juste à venir et toi tu as tout préparé déjà. Eh ben alors, donc dans l'idée, on parlait de la page Facebook, de mon numéro de téléphone. Voilà, moi, j'ai besoin de parler aux gens, évidemment, bien avant sûr. Qu'on fasse la séance, de oui. savoir déjà les âges, parce que je ne vais pas construire ma séance de la même façon que pour des enfants oui. de 6 ans, par exemple, que pour des adultes qui en ont peut-être déjà fait une fois ou deux. D'accord. Donc, au niveau de la tenue à oui. avoir, hein, je ne vais pas arriver en talons aiguilles ou en chaussures de ville, évidemment. Non. Et puis après, oui, je mets le matériel, alors les EPI, équipements de protection individuelle, d'accord. à disposition, donc c'est-à-dire le baudrier, bien évidemment, oui. Le casque, puis c'est déjà pas mal. Bah oui. Après, bon, évidemment, il y a le matériel collectif, donc là, c'est les cordes, les systèmes d'assurage, et voilà. Ok, donc tu prépares ta séance à l'avance selon le public qui va venir. Oui. Comment ça se passe quand tu prépares une séance? À quoi tu attends? J'arrive sur site en avance, en fait, tout ouais. simplement, pour déjà mettre les cordes en place. D'accord. Parce que pour une première séance, je ne vais pas faire grimper les gens en tête. Alors voilà, là, il y a une différence déjà. J'arrive en avance, j'installe les cordes pour qu'ils n'aient pas à le faire. D'accord. Parce que ça prend un certain temps. Et puis grimper en tête, c'est encore une autre vision de l'escalade, pour le coup. Là, il faut déjà être expérimenté pour grimper en tête. D'accord. C'est-à-dire que la corde n'est pas déjà installée et on va l'installer au fur et à mesure qu'on grimpe, en d'accord. fait, tout simplement. Donc, il y a des mousquetons, je schématise, hein, des oui, mousquetons oui. à installer sur la falaise dans laquelle je vais ensuite passer ma corde et ainsi de suite pour progresser. D'accord. Là, on fait simple au début. Ok. Et quand tu grimpes en tête, tu es seul? Non, il y a toujours la sueur au sol, évidemment. D'accord. Oui, sinon aucun intérêt. Oui, autant oui, que je oui. grimpe sans corde. J'ai eu peur pendant ouais. quelques instants. Donc, tu travailles avec d'autres encadrants? Oui. Oui. Ok. Ils viennent t'aider ou alors est-ce qu'ils travaillent avec toi au sein de la micro-entreprise qui non, évole escalade? Non, micro-entreprise, je suis seul et j'ai quelqu'un qui est également diplômé, qui a également sa société, sur lesquels on va se donner un coup de main. Si lui a un gros groupe et qu'il ne peut pas le faire seul, il va faire appel à moi et inversement. D'accord, ok. Concernant le public qui peut venir te voir, donc on a parlé des enfants, donc là tu préconisais plutôt à partir de 6 ans hein, pour, voilà, tout ce qui est voilà, mouvement pour la simplicité et le plaisir de l'escalade. À partir de 6 ans, c'est bien, en tout cas sur falaise. Si on veut le faire à l'intérieur, on peut faire plus jeune. Est-ce qu'il y a un âge limite pour grimper? Tant qu'on est en forme, j'ai envie de dire, c'est faisable. Hein. J'ai pas eu, autant j'ai bossé avec beaucoup de publics différents en escalade. Que ce soit enfant, adulte, handicapé. Et oui. Des personnes plus âgées, Pas encore. J'ai pas vraiment fait. Pas de session senior encore pour l'instant. Ouais. Ça peut venir. Ouais, ça peut venir. Parce que maintenant, nos seniors sont très, très actifs. Et plutôt... certains gardent la patate très tard. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, tu nous parlais de personnes en situation d'handicap. Donc là, ça t'est déjà arrivé d'encadrer des personnes en situation d'handicap. Comment ça se passe et dans quel but ils viennent? J'imagine que ça doit être un grand moment pour certains. Ouais, complètement. Alors il faut vraiment adapter la séance pour le coup, parce qu'il y a évidemment plein de choses qu'on va pas pouvoir faire. Alors déjà, tout dépend du handicap, hein, évidemment, mental ou moteur. Mental, ça va pas trop poser de problème. Moteur, je vais adapter. On va faire au moins en sorte que de mettre cette personne en situation de hauteur, sentir ce que c'est que d'être en hauteur, d'avoir le vide sous ses pieds. Ça doit être génial comme sensation à vivre. Les quelques fois où j'ai eu la chance de le faire, donc c'est un public déjà qui est super demandeur, ça donne envie de retravailler avec eux systématiquement. Et c'est grandiose pour eux. Ouais. Ah bah oui, et puis pour toi aussi, on voit bien que tu as de belles valeurs humaines et ça fait plutôt plaisir. Moi, je suis ravie en tout cas de t'accueillir ici pour parler des vols escalades. Donc une session pour débuter ou pas, même si vous êtes déjà dans l'escalade, si vous en pratiquez de temps en temps, vous pouvez quand même venir vous faire plaisir. Est-ce que pour les gens, pour les personnes qui ont vraiment l'habitude, qui sont dans l'escalade, c'est quand même possible de venir se faire plaisir avec toi? Est-ce que c'est du coup une séance différente? Alors oui. Bah oui, complètement différente parce qu'ils ont déjà les bases la plupart du temps. Après, moi, je vais leur apporter mes bases parce qu'on n'apprend pas l'escalade partout non plus de la même façon. Y a des choses peut-être qu'ils ne savent pas. Là, ce qui m'est arrivé récemment, j'arrive à la carrière POC Colo pour préparer ma séance avec un groupe et j'ai un couple qui arrive, que je les vois regarder la falaise, mais je voyais bien qu'ils ne savaient pas comment faire en fait. Et il me voit sortir mon matériel de la voiture et là il me saute dessus en me demandant mais comment on fait ici, comment ça se passe machin, parce que ces gens ont appris à grimper en salle pour le coup et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas différent. La même grimpe en salle qu'en falaise. En falaise, il y a beaucoup plus de choses à savoir au niveau de la sécurité et là en l'occurrence ces deux personnes ne savaient pas comment faire. C'était leur première sortie en falaise et donc du coup très bien pour moi, ils ont voulu faire partie ils ont voulu grimper avec moi, tout simplement. Et donc, je leur ai apporté, en fait, tout ce que je connaissais sur la falaise et comment on doit s'y prendre à tel moment, sur tel endroit, telle technique, Donc, j'ai aussi des choses à apporter, effectivement, aux gens qui ne sont pas débutants. Tout à fait. Du coup, ça s'est très bien passé, j'imagine. Parfaitement. Donc, quand on vient en groupe comme ça, donc toi, forcément, tu ne peux pas assurer tout le monde. Hein, t'assures une personne. Même pas. Ah non, non. Ah d'accord. C'est 11. Les gens vont former leur binôme entre eux. D'accord. Alors, si on est un nombre impair, je vais assurer également. Mais justement, dans l'apprentissage de l'escalade, première partie, sécurité. D'accord. C'est pour moi, le passage obligatoire, c'est l'assurage. D'accord. Pas le choix. Okay. L'escalade, ça fonctionne à deux, grimpeur et assureur. Donc avant de savoir grimper, il faut quand même savoir assurer la personne qui va grimper. Sinon, on se met en danger. Et non, clairement pas. Et ça, c'est intéressant parce que quand on pense escalade, on pense grimpe. Mais non, il y a quand même une personne. C'est chacun son tour. C'est ça. Ça, c'est sympa. Donc, tu es un interlocuteur privilégié pour toutes les personnes qui auront envie de grimper avec toi au sein des vols escalades. Tous les renseignements, ça se passe sur ta page Facebook du même nom que ta micro-entreprise, et vols escalades, où on retrouvera ton adresse mail, mais également ton numéro de téléphone. Et puis, comme tu le disais, tu aimes bien avoir un contact direct avec les gens, donc n'hésitez pas à appeler. On peut envoyer un mail et puis après converser ensuite avec toi. J'ai envie de privilégier le contact téléphonique parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses à voir ensemble suivant le niveau, suivant l'envie. Et on en parlait tout à l'heure, donc séance privée, mais également personnalisée. Oui. Donc en fonction du public qui va me demander, enfant, débutant, confirmé, la séance ne va pas être la même, donc c'est beaucoup plus facile de se téléphoner plutôt que de s'envoyer 36 mails pour se mettre au point sur la séance à construire. Tout à fait. Et puis un petit peu dans ce monde où tout va à 200 à l'heure, et bien là c'est le moment un petit peu de lâcher prise, mais pas dans le sens premier du terme, hein. On s'accroche bien quand on grimpe, mais en tout cas on lâche prise avec toi Julien pour grimper, et puis on a une séance personnalisée, on est coucouné par toi pour cette séance, pas mêlé avec des gens que l'on ne connaît pas, c'est vraiment un moment intimiste, un moment convivial, et ça fait du bien, ça fait du bien. Alors on va se lancer dans notre troisième bulle de son. Cette émission, elle est passée à toute vitesse, mais restez bien parmi nous, car il nous reste encore un petit bout d'émission à faire ensemble. On se lance tout de suite dans le même groupe que tout à l'heure, avec le même groupe que tout à l'heure plutôt, Sublime, et cette fois-ci en feat avec Gwen Stefani pour le son So Red, et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo, vous êtes bien installés dans la bulle. Nous sommes ensemble avec Julien d'Evol Escalade. Vous l'avez compris, hein, Julien propose des séances personnalisées, privatisées au sein d'Evol Escalade pour grimper sur le site de la carrière Colo à Épinal. Mais je tiens encore à le redire, c'est possible de grimper sur d'autres sites avec toi, Julien. Sur demande. Alors comment ça se passe ça? Il faut trouver un site d'avance quand on te contacte, ou alors on te dit voilà, je me trouve dans tel endroit, et est-ce qu'il y a un site qui pourrait s'y prêter? Il y a plusieurs sites comme la Carrière Colo sur les Vosges. Ouais. Je pense par exemple à Olima, qui est une toute petite falaise qui est à proximité d'Épinal. Il y a la Martinswand, il y en a plein. Donc si les gens sont à proximité de telle ou telle falaise, ils ont fait une randonnée, ils ont vu ce bout de rocher qui est grimpable, ça peut être possible qu'on y aille ensemble. Ouais. Ça, c'est sympa. On profite vraiment de la nature, de l'extérieur quand on grimpe sur falaise. Ça fait partie du côté un petit peu ludique. Ça doit être génial de grimper comme ça, même si on est en toute sécurité, qu'on ne grimpe pas n'importe où, que ce sont des sites où on peut le faire. On profite quand même de cette nature qui nous est proposée, et ça fait du bien. C'est ce que tu apprécies en grimpant sur falaise plutôt qu'en salle? Moi je préfère clairement grimper dehors, évidemment, oui. À ciel ouvert, on va entendre les oiseaux, le vent. Ça va avec le petit côté solo du moment où on grimpe, d'avoir tous ces éléments autour. On est vraiment dans sa bulle, pour le coup. Oui. Et c'est carrément autre chose d'être en extérieur. Le côté nature, évidemment. On est en osmose. On fait qu'un avec la falaise. Ouais. Mais ça fait du bien. Il y a beaucoup de personnes. Le côté salle d'escalade est super. Pour moi, c'est un outil pour progresser l'hiver parce que les conditions ne sont pas là en extérieur, bien c'est évidemment. Sûr. Mais dès que c'est possible, l'objectif, c'est d'aller dehors pour moi, en fait, de grimper en extérieur, et évidemment. Oui. Donc, est-ce que quand on aime beaucoup pratiquer l'escalade et qu'on voilà, on a envie, qu'on est vraiment un très bon pratiquant d'escalade, est-ce qu'il est conseillé d'en faire toute l'année, donc une partie bien en extérieur quand c'est possible et aussi une partie en salle? Est-ce que ça se perd l'escalade? Est-ce qu'il faut pratiquer vraiment toute l'année pour pouvoir garder ses notions ou pas? Ou c'est comme le vélo, ça se perd pas? Une fois qu'on a acquis toutes les techniques de sécurité, ça s'oublie pas. C'est bien de se mettre à jour régulièrement, parce que telle technique que je vais pas utiliser régulièrement, c'est comme tout, je peux plus ou moins l'oublier. Donc il faut se mettre à jour là-dessus. Après, la technique qu'on a acquis vraiment pour la grimpe, donc c'est-à-dire tous les placements dont j'ai parlé tout à l'heure, oui, de mains, de pieds, etc., ça se perd pas. Ce qu'on perd très vite si on grimpe pas l'hiver, par exemple, c'est le côté physique pour le coup. D'accord. Forcément, en escalade, le moindre kilo que je prends, on le traîne, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, okay. Ouais. Est-ce que les normes, justement, peut-être de sécurité ou la façon de pratiquer l'escalade évoluent au fur et à mesure du temps? Ça a déjà beaucoup changé ces dernières années parce que, comme toute chose, en fait, le matériel évolue. Les fabricants proposent du matériel de plus en plus efficace. Ouais. Et certaines techniques changent pour le coup, oui. Ouais. Donc on se met à jour. Oui, régulièrement, il faut quand même le faire. Bon, c'est pas tous les 6 mois, hein, loin de là, mais il y a quelques petites choses qui changent régulièrement, bien sûr. Ouais. On fait attention à soi, même si on prend du plaisir, ça c'est important, hein, on fait pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a un professionnel pour nous parler de tout ça, et ça c'est plutôt bien. Quelle qualité il faut avoir pour pouvoir faire de l'escalade? Est-ce qu'il y a des choses à avoir en soi pour pouvoir pratiquer l'escalade? L'envie déjà, évidemment, ouais. Il faut le vouloir, il faut avoir envie de se faire plaisir à ce niveau-là. Après, il y a le gabarit grimpeur type, évidemment, mais tout le monde peut grimper. Chacun à son niveau, bien sûr, mais tout le monde peut s'essayer à l'escalade, ouais. Le grimpeur type, par contre, oui, c'est la personne plutôt mince, nerveuse, voilà. D'accord. Mais c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de force, donc en fait c'est à petit niveau, en initiation, c'est accessible à tout le monde, au moins pour découvrir. Oui. L'objectif c'est de se faire plaisir dans un premier temps. Tout à fait. Je pensais un peu plus à des qualités peut-être mentales, à une force en soi qu'on a ou peut-être qu'on peut développer grâce à l'escalade, parce que faire un sport un petit peu comme ça, est-ce que l'escalade c'est considéré comme un sport extrême? La question piège du jour. Suivant la pratique qu'on en fait, ouais, parce que maintenant il y a plusieurs disciplines, donc il y a le bloc extrême. Moi, quand on me dit escalade extrême, je verrais ce qu'on appelle le terrain d'aventure, par exemple. On va grimper sur un site qui n'est pas équipé et on va poser des protections au fur et à mesure. Oui. Je dirais pas extrême, non. C'est une activité à risque. D'accord. Et à vraiment... sensation, quoi. Ouais. Oui, évidemment, ouais, parce que la hauteur, ouais. Mais non, plutôt, vraiment, c'est une activité à risque et il y a plein d'aspects auxquels il faut faire attention. Je dirais pas extrême, non. Non, pas non. Extrême. Donc, du coup, est-ce qu'on peut développer certaines qualités psychologiques, mentales, quand on fait de l'escalade? J'imagine qu'on doit acquérir au fur et à mesure quand même une grande confiance en soi, parce que c'est quand même... je pense primordial d'avoir confiance en soi, ainsi qu'en son assureur. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on acquiert au fur et à mesure ou... Pour ma part, mes expériences en compétition m'ont permis d'arriver à me concentrer, en fait. Oui. Je suis déjà pas de nature à être quelqu'un de stressé ou de très speed. Mais c'est vrai que j'ai appris quelques techniques de sophrologie. Et oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Qui m'ont permis vraiment de me concentrer avant les compétitions et de partir sereinement. D'accord. Ouais. Et après, effectivement, l'aspect dont tu as parlé juste avant, le mental, oui, évidemment, puisque la confiance en son assureur, je suis en hauteur, tout est lié finalement. Oui. Mmh. Et du coup, quand tu faisais des petits exercices de sophrologie, toi, ça t'aidait beaucoup. Une petite anecdote, quand tu es arrivé, tu me disais que voilà, dans la voiture, tu répétais un petit peu ces quelques exercices que tu avais appris. Mmh. Du coup, c'est quelque chose voilà, qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Tout ce qu'on va développer mentalement en faisant de l'escalade, toute la confiance en soi qu'on va pouvoir développer et plein d'autres choses. Ça, c'est des choses qui restent et ça, c'est plutôt important. Moi, je m'en sers peut-être pas au quotidien, mais tous ces petits exercices que j'ai appris à l'époque, je m'en sers encore aujourd'hui, effectivement, sans même m'en rendre compte. Et du coup, ouais, ça fait partie de moi. Je ne stresse pas outre mesure, je suis jamais... Et ben voilà. Je suis serein. On a trouvé un remède contre le stress, faites de l'escalade. Ça peut aider. Et vous deviendrez cool. Et ça, c'est plutôt cool, justement. Ça fait du bien. Nous, on aime bien le lâcher prise. On aime bien les notions de plaisir au quotidien. On est dans le bien-être. On se fait du bien. Et le sport, c'est très, très important. Et l'escalade, aujourd'hui, eh bien, on a vu, il y a plein de valeurs et de qualités. Mmh. Et plein de belles choses à ressortir de tout ça. Et c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qui te plaît le plus en tant que moniteur, en tant qu'encadrant dans l'escalade? Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment transmettre tout ce que j'ai appris toutes ces années d'escalade, tout ce que j'ai vécu. J'ai envie d'apprendre aux gens ce que c'est que l'escalade, de le faire vraiment en toute sécurité, parce qu'on se dit toujours l'escalade, oh là là, la hauteur c'est dangereux, ça craint. Oui, bien sûr, mais si les choses sont faites correctement, c'est pas plus dangereux que d'aller à la piscine, quoi. Eh ben non. Donc, c'est sûr. Le faire avec les bonnes personnes qui savent de quoi elles parlent, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport si c'est bien fait. Ça, c'est sympa quand tu dis que voilà, maintenant tu as envie de transmettre un petit peu tout ce que tu as appris avant. C'est une étape inévitable quand on pratique un sport de façon intensive, peut-être comme tu l'as fait enfant, non ? Je pense pas, non. Je connais plein de grimpeurs qui sont restés uniquement grimpeurs, qui grimpent pour eux et qui n'ont pas forcément l'envie de transmettre. Moi, c'est quelque chose qui m'est assez tôt, hein, parce que j'encadre depuis longtemps déjà, finalement. D'accord. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. À la base, j'étais animateur, en fait. D'accord. Donc, j'ai toujours été au contact, en plus, de tout public, finalement, dans les différents travails que j'ai pu faire. Et j'ai quelque part j'ai besoin de ça en fait, ouais, d'avoir de transmettre. Mais en tout cas, on te tire notre chapeau parce que transmettre son expérience, c'est quelque chose de très important. Et heureusement qu'il y a plein de personnes comme toi pour transmettre les choses, parce qu'autrement, on ferait plus grand chose, hein, justement. Ouais. Hein, on serait obligé de réapprendre à chaque fois. Et je pense que la transmission humaine, c'est primordial dans notre vie. Alors, vous l'avez bien compris, on a parlé tout au long de cette émission des vols escalade. Tous les renseignements, vous les trouverez sur ta page Facebook, Julien, et vols escalade, dont nous mettrons le lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui qui sera présente sur notre site internet et notre page Facebook. Et pour les couches tard, pas de panique, cette émission sera rediffusée ce soir à minuit. Est-ce que tu avais encore un petit mot à nous dire? Un dernier mot, le mot de la fin. On parlait d'internet, alors je ne veux pas faire la promotion des moniteurs d'escalade. Oui. On trouve aujourd'hui énormément de tutos. D'accord. Sur internet. Oula. Qui sont censés vous apprendre ce que c'est que l'escalade, qui vont vous montrer les techniques. Méfiez-vous-en le plus possible. Il y a des tutos qui sont très bien. Je les ai écumés récemment. Il y a des tutos qui sont parfaits, mais quand on ne connaît pas l'escalade, on ne va pas comprendre de quoi il en retourne. Et il y a énormément de bêtises qui sont dites. N'essayez pas d'apprendre l'escalade par vous-même, d'aller acheter votre matériel dans tel ou tel magasin et d'aller grimper tout seul dès demain. Y a tellement de choses à savoir, encore une fois, auxquelles il faut faire attention, plein de petites techniques, plein de petites choses. Ces tutos ne vous l'apprennent pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste, ça reste une activité à risque et dont il faut se lancer avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, en fait, tout simplement. C'est comme dans n'importe quel domaine, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quel matériel sur n'importe quel site. On fait très attention et puis on s'entoure de personnes expérimentées avec un matériel sûr. Adapté, parce que toi, tu amènes ton matériel, vous n'avez plus qu'à venir en tenue de sport, bien entendu, et avec vos amis, pour le coup, parce que les séances privées, vous venez entre amis, en famille, etc., comme on l'a dit tout au long de cette émission, mais tout en sécurité avec toi, Julien, et ça, c'est très important de le dire. Merci pour ce petit côté prévention. Mais je vous en prie. Donc, vous l'avez bien compris, ça se passe sur la page Facebook pour plus de renseignements. N'hésitez pas à contacter Julien. J'imagine que tu te feras un plaisir de répondre aux demandes. Mm-hmm. Et puis, n'hésitez pas à venir découvrir, pourquoi pas, cette carrière colo à Épinal. Si vous ne connaissez pas, c'est quand même un site plutôt agréable. En tout cas, en plein milieu d'Épinal, on ne s'attend pas à avoir un mur comme ça. C'est ça, très facile d'accès. C'est vrai. Certains passent devant tous les jours sans se dire que c'est un site d'escalade, mais si. C'est un site d'escalade. Merci beaucoup à toi, Julien, d'être venu aujourd'hui pour nous parler des vols escalade. Donc, cette micro-entreprise que tu viens de créer, on te souhaite plein de bonnes choses à venir et puis plein de belles rencontres à toi, parce que j'imagine que tu en feras de nombreuses avec cette nouvelle activité. Une très, très belle route, la plus longue possible. Et puis, j'espère pour toi, des séances en salle pour combler un petit peu la période hivernale et puis pour continuer à partager cette belle expérience, en tout cas comme tu as envie de le faire. Et c'est un très bon moyen, en tout cas, que tu as trouvé de partager ton expérience. Nous, on aime bien ça ici sur les ondes de Radio Guémozo. Alors on partagera, comme je l'ai dit, tous les liens pour te contacter. Voilà. Merci beaucoup. C'est super gentil, merci à toi. Beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis à tous nos auditeurs, on se retrouve demain à 8h30 et à 13h30 pour les minutes bonheur, pour se faire du bien avec moi. Et puis la semaine prochaine, il n'y aura pas de bulle exceptionnellement, c'est la rentrée. Donc je souhaite une très très bonne rentrée à tous les enfants et également à tous les parents. D'ailleurs, les minutes bonheur seront consacrées à ce sujet, comment faire sa rentrée tout en zen attitude, parce qu'il va en falloir. En attendant, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, bonheur, joie et rire à tous. Get back.